إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا يرحمك الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 140 et on est au chapitre 61 aujourd'hui. Donc il nous reste pour terminer le livre environ, il nous reste 6 chapitres. Hein, on est au 61, puis il y a 67 chapitres, donc il nous reste 6 chapitres. Et le chapitre d'aujourd'hui, le titre de ce chapitre, c'est « Babun ma ja'a fil musawwirin », c'est-à-dire qu'est-ce qui a été dit au sujet des gens qui font des images et des photos. Ok. Et il y a juste une chose que je voudrais expliquer juste un petit pas, juste en passant comme ça. C'est une réflexion qui m'est venue durant la semaine par rapport à certaines questions, du fait que parfois certaines personnes ils s'imaginent que quand tu vas leur parler de quelque chose qui a rapport avec l'islam, les gens ils s'imaginent que yani, personne ne va accepter, ou bien que les gens ne vont pas comprendre. Puis à cause de ça, ils s'empêchent de dire la vérité. Parce qu'ils disent, ça sert à rien de dire la vérité parce que les gens vont pas l'accepter. Ou bien, si tu leur dis, ils vont pas comprendre. Et ça, c'est très une attitude vraiment, vraiment mauvaise et vraiment négative. On a parlé il y a de ça quelques cours, peut-être même le cours passé, le fait qu'on doit passer, on doit parler, on doit penser en bien à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas le cours passé, c'est le cours d'avant ou le chapitre d'avant. On a parlé qu'il faut avoir des bonnes pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi il faut avoir des bonnes pensées pour les croyants aussi. C'est-à-dire que tu ne dois pas penser toujours du mal des musulmans puis de tes frères. Au contraire, même tu dois penser du bien de tes frères et du bien des musulmans. Et donc, par exemple, si tu vois par exemple que il y a des musulmans qui font des choses qui sont contraires à l'islam, il faut leur dire, il faut leur expliquer que ces choses-là sont contraires à l'islam. Et il ne faut pas s'imaginer que parce que ils le font ou bien parce qu'ils ne savent pas, que ça voudrait dire qu'ils ne vont pas accepter. Premièrement, on ne sait pas ce qui est dans le cœur des gens. Il y a des gens parmi ces gens-là qui veulent savoir parfois, puis qu'ils font des choses haram ou qu'ils font des choses incorrectes. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Na akhi barakallahu fik. Il y a des choses qui font des choses incorrectes ou des choses haram, uniquement parce qu'ils ne savent pas que ces choses-là sont haram. Mais s'ils savaient que ces choses-là étaient haram, ils auraient cessé de le faire. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah, ça va, Kabir. Vous pouvez enlever les ordinateurs sur les chaises. Donc, comme j'expliquais, je disais que il faut pas penser que le fait que les gens font des choses qui sont pas correctes ou qui sont interdites, que ça veut dire que les gens vont pas accepter la nasiha ou vont pas accepter qu'est-ce que tu leur dis, ou bien qu'ils vont pas comprendre. Qui te dit que les gens vont pas accepter? Qui te dit que les gens vont pas comprendre? Hein? Les gens sont intelligents. Il faut penser du bien des gens aussi. Et les gens aussi sont sincères parmi eux, il y en a qui sont sincères. Même s'il y en a qui sont pas sincères parmi eux, tu peux pas savoir s'ils ne vont pas changer, si Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas ouvrir leur cœur. Donc, le point, c'est pas de dire, ah, les gens, ils vont pas accepter, les gens, ils vont pas comprendre, mais c'est plutôt de dire aux gens la vérité, puis de leur expliquer les choses clairement, et puis, ceux parmi eux qui sont sincères, Allah va ouvrir leur cœur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ. Que Allah, le fait que Allah guide à cause de toi une seule personne, c'est meilleur, hein, c'est meilleur pour toi que Humur al-Ni'am, hein, vous savez que Humur al-Ni'am c'est les chameaux rouges, hein, qui étaient très recherchés, une grande richesse chez les Arabes. Ou bien khayrun lakum min ad-dunya wa ma fiha, c'est meilleur pour vous que la dunya et tout ce qu'il y a dedans. Donc, si tu t'imagines pas, tu penses pas que c'est-à-dire tous les gens qui sont là-bas, quand tu dis, ah, les gens ne vont pas accepter, donc c'est mieux que je le dise, pas la vérité. Non, dis la vérité, et puis si dans tous ces gens-là, il y en a juste une seule qui accepte ce que tu dis, qui est le haq, eh bien dis-le, explique-le aux gens qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir. Parce qu'il ne faut pas dire aux gens qu'est-ce qu'ils veulent savoir, ou qu'est-ce qu'ils veulent entendre, mais il faut dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent entendre, et qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et c'est ça l'important de comprendre, hein. Parce que les prophètes, ils ont toujours eu des problèmes avec leur peuple parce qu'ils venaient leur dire des choses qui étaient nécessaires pour eux d'entendre. Mais eux, parfois, ils ne voulaient pas l'entendre. Et c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple à propos des Juifs, « أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. » Est-ce qu'à chaque fois qu'on vous amène, qu'on vous envoie un prophète, est-ce qu'à chaque fois qu'on vous envoie un messager avec ce que votre âme ne désire pas entendre, hein, ce que vos passions n'aiment pas, vous vous enflez d'orgueil, et une partie d'entre eux, vous les traitez de menteurs, et l'autre partie, vous les tuez. Donc ça, c'était l'attitude de certaines personnes lorsque les messagers arrivaient. Mais est-ce que le messager allait changer son discours pour faire plaisir aux gens parce que les gens ne l'aimaient pas ou ne voulaient pas l'entendre? Bien sûr que non. Ils disaient le message que Allah leur a transmis, peu importe que les gens soient contents ou non de ce message-là. Et ils le transmettaient de la meilleure façon. Donc ça, c'est juste un point que je voulais mentionner comme ça en passant, juste pour faire un rappel, qu'il ne faut pas penser du mal de certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui me disaient ça parfois, quand je faisais la football ou quand je donnais des cours, ils me disaient, il ne faut pas dire ça aux gens, les gens ne vont pas accepter. Il ne faut pas dire ça aux gens, les gens ne vont pas comprendre. Et puis, si tu penses comme ça, en réalité, ça veut dire que tu penses du mal des gens. Et tu penses que tout le monde sont mal intentionnés. Et tu penses que tout le monde rejette la vérité. Et tu penses que tout le monde sont négatifs, hein, et mauvais. Et ça, c'est grave. Et c'est grave de penser de cette façon-là. D'accord? Donc, alhamdoulilah, il y en a parmi les gens qui veulent savoir la vérité, et que parfois, quand on leur cache les choses, quand on leur apprend par la suite la vérité, ils disent, mais pourquoi on ne me l'avait pas dit avant, hein? Pourquoi vous ne me l'aviez pas expliqué avant? Pourquoi vous ne me l'aviez pas clarifié? Donc, le chapitre d'aujourd'hui, c'est le chapitre qui parle des gens qui font des images, qui font des photos, hein? Et qu'est-ce qui a été rapporté à ce sujet-là, d'accord? الشيخ البي هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد لأن التصوير سبب من أسباب الشرك ووسيلة إلى الشرك الذي هو ضد التوحيد كما حدث لقوم نوح لما صوروا صور الصالحين ونصبوها في مجالسهم وآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله فأول شرك حصل في الأرض كان بسبب الصور وبسبب التصوير وكذلك قوم إبراهيم الذين بعث إليهم الخليل عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون التماثيل التي هي صور مجسمة لذوات الأرواح ولذلك بنو إسرائيل عبدوا التمثال الذي هو على صورة عجل صنعه لهم السامري فدل هذا على أن التصوير سبب لحدوث الشرك ووسيلة إلى الشرك وكذلك أنه إذا صنعت الصورة علقت أو نصبت وهي صور للزعماء والصالحين والعلماء فإنها في النهاية تعظم ثم الشيطان يأتي الناس ويقول لهم إن هذه الصور فيها نفع لكم وفيها دفع ضرر فيعظمونها ويتبركون بها ويذبحون لها وينظرون لها حتى تصبح أوثانا تعبد من دون الله. فلهذا السبب عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن هذا الكتاب في بيان التوحيد وبيان الشرك ووسائل الشرك، ومن أعظم وسائل الشرك وأسبابه التصوير ونصب الصور وتعلقها وتعليقها. Donc le cheikh il explique maintenant le but pourquoi ce chapitre a été mis dans le livre de التوحيد, كتاب التوحيد. Le cheikh il dit que l'auteur de ce livre il a écrit dans كتاب التوحيد, il a mis ce chapitre dans كتاب التوحيد parce que le fait de faire des images, des statues, c'est une des causes parmi les causes du shirk. C'est une des choses qui amène les gens à tomber dans un shirk. Et c'est contraire au tawhid, hein, le shirk qui est le contraire du tawhid. Et comme c'est arrivé à l'époque de Nuh, lorsqu'ils ont fait les images des hommes pieux, hein, et également, on sait que après la mort, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après la mort de ces hommes pieux là, les gens, le shaitan est venu voir les gens, ils ont dit bon, ça c'était des hommes pieux, ils étaient bons, faites leurs images comme ça, puis peut-être qu'avec le, ça va vous aider à vous rappeler d'eux. Puis après des générations, les gens ont oublié pourquoi ces images et ces statues avaient été faites, et les gens ont commencé à les adorer par la suite. Donc, le chef il dit que ils les ont placés dans leur lieu de rencontre et leur lieu de réunion, puis à la fin ils les ont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier shirk qui est apparu sur la terre, c'était à cause des images et des statues et des représentations que les hommes faisaient. De même que le peuple d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'était un peuple d'idolâtres qui adorait des images et des statues. Okay? Le peuple d'Ibrahim qui vivait en Irak à l'époque et qui faisait des statues. Hein? Probablement c'était les Abyssiniens, pas les Abyssiniens, les... comment on les appelle? Babyloniens, les gens de ces régions-là. Et les gens ils adoraient des statues, des idoles, ils adoraient les étoiles, toutes sortes de trucs de ce genre, et donc ils faisaient des représentations. La même chose qui est arrivée aussi au peuple de Bani Israël, hein, les fils d'Israël, lorsqu'ils ont terminé de traverser la mer Rouge, hein, Ibrahim a frappé la terre, Allah a fait que la mer Rouge se fende en deux, et il a traversé lui et les fils d'Israël. Arrivés de l'autre côté, ils se sont arrêtés. Moussa alayhi salam est parti pour chercher les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple de Moussa, pendant le temps que Moussa était monté chercher les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont commencé à adorer une représentation d'un veau en or que As-Samiri avait fabriqué. Ok? Samiri, c'était un Samaritain, un homme qu'on appelle Samiri, comme ça c'est un peuple, et puis il fait partie de ce peuple-là, et eux ils adoraient, d'après ce que je comprends, des idoles, et puis ils ont demandé au Samiri, fais-nous une idole comme les gens adorent, la même chose que on veut adorer, la même chose que. Et donc c'est ce qui est arrivé. Et ce que je voulais dire aussi à ce sujet-là, c'est que, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui font des... Il y a des gens qui font des films, ok? Il y a des gens qui font des films, et puis dernièrement j'ai vu ça, subhanallah, ils ont fait des sortes de représentations de l'époque de Pharaon, pas de Pharaon, mais de l'époque de l'Égypte antique, à l'époque, avant la période de l'Islam. Ils ont fait un film pour représenter à l'époque comment les gens y vivaient, puis une histoire qui s'est passée à cette époque. Et le pire de ça, c'est que les gens qui jouent dans ce film sont des musulmans. Ce sont des musulmans et ils parlent arabe. Mais, alaykoum salam wa rahmatullah. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens qui sont dans le film, lorsqu'ils parlent arabe, les gens il y a un monologue qui en français qui explique qu'est-ce qui se passe. il y a un narrateur qui parle et qui dit ou qui explique qu'est-ce qui se passe dans le film. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, c'est que eux, dans les acteurs du film, ils s'adressent les uns, en fait c'est dans le, en arabe, mais en particulier dans le dialecte marocain. Ils se parlent entre eux dans le dialecte marocain. Et mais les gens qui vont entendre ça, qui sont pas arabes, qui sont pas musulmans, ils vont pas savoir que c'est de l'arabe. Ils vont penser que c'est la langue des Égyptiens de l'époque. Hein. Et puis quand par exemple il y a une funéraille ou quelque chose comme ça, eux ils récitent Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, à la façon comment certains Marocains récitent là. Et puis bon, ils disent ça, ils se voient salamu alaikum, alaikum salam et tout. Puis là tu vois par exemple à un moment donné, il y a une célébration de l'adoration d'un veau d'or, hein, ils adorent un veau d'or, puis tu vois les gens là-dedans dans ce film là qui sont des musulmans qui font l'imitation comme si dans le film ils jouent le rôle que c'est des adorateurs de du veau d'or, puis ils adorent le veau d'or. Donc ça c'est juste pour dire, allez, peut-être que des gens s'imagineraient que bon, c'est juste un film, allez, c'est pas vrai, on est des acteurs et puis on sait que c'est pas un vrai dieu et tout, mais de jouer le rôle d'un mouchrik puis de faire l'action comme si tu adorais le veau d'or, même si dans la réalité tu crois pas en ça ou tu le fais pas, déjà ça c'est grave, hein. Allahu alam yani. C'est chic en soi d'imiter l'adoration des mouchriquins, de faire semblant que tu es un mouchrik et que tu adores les idoles, même si tu sais que c'est faux, et ça c'est grave de le faire. Wallahu a'lam yani. C'est juste pour dire, mais quand je pensais en même temps à certaines tours soufis, à comment ils ont ces idées-là un peu bizarres là, dans les pays musulmans, je ne serais pas surpris que les gens qui sont en train de participer à ces rôles d'acteurs là dans les films, qui sont des gens qui vivent dans les pays musulmans, ce sont sûrement des gens de ces groupes-là, hein, Issaoui, Agnawa, des choses de ce genre, parce que tu les voyais en train de jouer la musique et tout, des trucs comme ça, et ça pour eux c'est normal, ils adorent une idole ou adorer un wali ou un autre, une tombe, c'est pas grave pour eux, yani, tout ça c'est pareil, puisque pour eux, wahdatul wujud, yani, tout est Allah, Allah est tout, donc c'est des exemples, comme Ibn Arabi qui disait que les idolâtres sont des musulmans aussi, ils sont des croyants aussi, des trucs de ce genre. Na'udhu billahi min zalik, hein. Juste en passant, je voulais juste faire mention de ça, parce que ils font ces documentaires historiques-là, puis ils essaient de recréer l'histoire, comment elle était à l'époque, puis comment ça se passait, ainsi de suite. Hein. Ça, c'est pas fait par des musulmans, ces films-là, c'est fait par des kuffars, mais les acteurs qu'ils emploient pour faire jouer les rôles, ils emploient parfois des acteurs musulmans. Puis les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, ils leur offrent des trucs de comme ça, puis ils savent même pas, peut-être même, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est juste pour dire que c'est quand même triste que des choses comme ça se passent. Donc, après, qu'est-ce qu'il dit, le cheikh dit, فدل هذا على أن التصوير سبب لحدوث الشرك ووسيلة إلى الشرك. Donc ça prouve que de faire des images, c'est une des choses qui va amener les gens à faire du shirk et à tomber dans le shirk. Et c'est pour ça que lorsque des gens font des images et les accrochent et les mettent dans des places publiques, eh ben, ils mettent par exemple les photos de leur président, les photos des gens pieux, ou les statues des gens pieux, des choses de ce genre, ou des savants, ou des ulama, des choses comme ça. À la fin, ça amène que les gens commencent à les respecter, puis le shaitan vient par la suite, petit à petit, et puis il leur dit, ces images ou ces statues, elles peuvent vous profiter, ou elles peuvent vous nuire, et les gens commencent à les respecter, à chercher la bénédiction, la baraka dans ces statues-là et dans ces images, et ils vont aller par exemple pour égorger des animaux auprès de ces statues, de ces idoles, par la suite, et ils font des vœux à ces idoles, à ces images et à ces statues, puis elles deviennent comme des idoles que les gens adorent en dehors d'Allah. Et donc c'est pour ça que l'auteur, Cheikh Mohammed Abdel Wahab, il a mis ce chapitre-là dans son livre, Kitab al-Tawhid, pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à ce sujet-là, pour éviter que les gens tombent dans, dans cette chose-là qui amène les gens au shirk. Le shirk dit فقوله رحمه الله باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد الشديد والنهي والزجر عن ذلك. Qu'est-ce qui a été rapporté de menaces, de sévères menaces et d'interdictions et de blâme au sujet de faire des images et au sujet des gens qui font les images? Le premier hadith qui est rapporté à ce sujet-là, c'est un hadith qui est rapporté sur Abi Huraira, radiallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله تعالى من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق ذرة أو يخلق حبة وليخلق شعيرة أخرجاه. Donc ça c'est le premier hadith qui est rapporté par l'auteur du livre, c'est-à-dire un hadith qui est apporté sur Abi Huraira, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qui est plus injuste que celui qui va essayer de créer comme ma création, ou de créer quelque chose comme ma création, qu'ils essaient de créer une graine, ou un grain, hein, ou qu'ils essaient de créer une graine de blé, ou une graine de sha'ir, c'est... que ce soit par exemple de l'orge ou autre, hein. Donc c'est un exemple pour dire que qu'ils essaient de faire ça, même ça ils peuvent pas le faire, et donc c'est pour essayer de leur montrer que ça c'est grave d'essayer d'imiter la création d'Allah. Et le cheikh il explique ça, il dit wa faqawluhu rahimahullah babu ana qala an abi huraira qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allah ta'ala مثل هذا الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يسمى بالحديث القدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث القدسية معروفة عند أهل العلم وألفت فيها مؤلفات وجمعت فيها الأحاديث القدسية منها ما هو الصحيح ومنها ما هو دون ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية الصحيحة لأنه في الصحيحين. فقوله قال الله تعالى في هذا إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يقول ويتكلم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وليس ككلام المخلوق وإنما هو كلام الخالق جل وعلا. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي, هذا استفهام إنكار بمعنى النفي, أي لا أحد أشد ظلما من المصورين, مثل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام, أي لا أحد أظلم من هذا فهو أظلم الظالمين. Donc le cheikh explique ici que ça c'est un hadith qui est rapporté sur Abi Huraira, comme on a dit, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça veut dire que c'est un hadith qudsi. Quand une parole est rapportée de la part d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que c'est un hadith qu'on appelle qudsi, et al-qudsi ça veut dire, ça vient de Quds, et Quds ça veut dire la pureté. La pureté. Donc c'est des hadiths qui sont purs, exact. Hein? Et c'est la parole, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les hadiths al-Qudsiyah sont bien connus chez les savants, et ils ont écrit des livres spéciaux, c'est-à-dire qui sont dédiés uniquement à rapporter les hadiths Qudsiyah. Ok? Et on a dans ces hadiths-là, il y en a qui sont authentiques, et il y en a qui sont faibles également, qui ne sont pas authentiques. Toutefois, le hadith qu'on a mentionné ici, c'est un hadith authentique. Il fait partie des hadiths qudsiyah qui sont authentiques parce que il est dans Al-Bukhari et Muslim. Donc, le hadith, il dit, قال الله تعالى, il y a dans le fait que le prophète Hassan dit, Allah a dit, il y a la preuve que Allah a l'attribut de la parole et qu'il faut lui affirmer cet attribut-là, et que Allah parle d'une manière qui convient à sa majesté, et que sa parole n'est pas comme la parole de sa création, et huwa kalam al-khaliq, donc c'est uniquement la parole du créateur, il n'est pas comparable à la parole de la créature. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي et qui est capable de qui est plus injuste que celui qui va essayer de faire créer quelque chose comme ce que je crée moi. Ça c'est une question que Allah subhanahu wa ta'ala pose. En réalité, c'est une forme de dénonciation ou de blâme qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala en voulant dire qu'il n'y a personne qui est plus injuste que celui qui fait des images. C'est ça que ça signifie. Il n'y a personne plus injuste que celui qui fait des images. Et il mentionne des exemples de ça, de cette formule dans le Coran. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Qui est plus injuste que celui qui invente à propos d'Allah un mensonge alors qu'il est appelé à l'islam? Donc, il n'y a personne, bien entendu, qui est plus injuste que ce genre de personne. Et donc, il est parmi les plus injustes, parmi les injustes. Okay? Et il dit, وقوله تعالى يخلقك خلقي يعني بذلك المصور يعني بذلك المصور لأن المصور يحاول أن يجد سورة تشبه السورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لأن الله جل وعلا تفرد بالخلق وتفرد بالتصوير هو الذي هو الله الخالق البارئ المصور وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير فالله جل وعلا هو المصور فالذي يحاول أن يضع شكلا يشبه السورة التي خلقها الله جل وعلا يجعل نفسه شريكا لله في التصوير ولهذا يجعل السورة على شكل المصور من إنسان أو حيوان فيجعل لها رأسا ووجها وعينين وأنفا وشفتين وأذنين ويدين ورجلين ثم يلونها بالتلوينات إذا كانت رسما أو إن كانت بناء فإنه يبني تمثالا مكونا من أعضاء وتقاطيع يحاول بها مشابهة خلق الله سبحانه وتعالى ومشاركة الله جل وعلا فيما اختص به وتفرد به فإن الله جل وعلا هو الخالق وحده لا أحد يخلق غيره لا أحد يخلق غيره أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونه أو إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وهو يستطيع أن يرسم شكلا ويبني تمثالا ولكنه لا يستطيع أن يجعله حيا متحركا عاقلا مفكرا يأكل ويشرب ويعمل كما يعمل خلق الله سبحانه وتعالى وهذا خلق الله فأروني ماذا خلق Donc, voici la parole ici qui est expliquée par le Cheikh, Mashallah, c'est très intéressant. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il essaie de créer, hein, il essaie de créer comme ce que je crée moi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il désigne? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala désigne quand il dit ça? يَخْلُقُ كَخَلْقِ. C'est-à-dire, la personne qui dessine. Ou la personne qui fait la peinture, ou la personne qui fait la sculpture, ou qui essaie de reproduire une image ou quelque chose, hein, ben c'est de lui qu'on parle maintenant. C'est celui qui essaie de faire une ressemblance ou une image de ce que Allah a créé. Et on parle en particulier. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on parle en particulier ici des représentations ou des images des choses qui ont une âme, hein, de ce qui a une âme, c'est-à-dire les êtres humains et les animaux, ok. Et donc, le Cheikh il dit, celui qui essaie de faire une image ou de créer une image, qui ressemble à ce que Allah a créé, eh ben, celui-là, c'est lui qui est mentionné dans ce hadith-là, qui est parmi les plus injustes des créatures. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'unique et le seul qui crée. Et qui a, la capacité de, ou bien la capacité de faire, de créer et de faire, disons de modeler et de former et de dessiner les créatures comme il veut. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans plusieurs versets, comme par exemple dans un des versets, il dit que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, al-bari, al-khaliq, celui qui est le créateur, al-bari, celui qui crée tout à partir de rien, et al-musawwir. Al-musawwir, c'est celui qui forme les choses et qui leur donne leur image, leur apparence, hein, celui qui les a formées. C'est ça, al-musawwir. Donc, al-musawwir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne n'a le droit d'imiter Allah subhanahu wa ta'ala dans ce nom-là qu'il a, de former et de modeler et de créer et de donner une image à sa créature. D'accord? Et il mentionne un autre verset qui dit, et il vous a donné votre apparence, votre forme. C'est lui qui vous a donné votre forme et votre image et votre apparence. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Et il a fait votre apparence et votre image, il vous a formé de la plus belle façon. Hein? Et il vous a donné toutes sortes de bonnes choses comme subsistance. Et il dit dans un autre verset, il vous a donné votre apparence, il vous a formé, et non seulement ça, il vous a bien formé, et ensuite, il vous a donc formé bien, et c'est vers lui que vous allez retourner, c'est vers lui que vous allez avoir votre destination. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est al-musawwir, c'est lui qui est, le créateur, et celui qui donne la forme aux choses et qui les dessine ou qui leur donne leur apparence et leur image. Hein. Et on n'a pas le droit de faire des choses pour essayer d'imiter ces formes-là et ces images-là et ces créations-là que Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Donc, quelqu'un ne doit pas essayer de se faire ou de se placer lui-même comme un partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit d'essayer d'imiter ou de se mettre en partenaire. Tu pars, hein? Ah, d'accord. Hein? On n'a pas le droit de se mettre comme partenaire ou, d'essayer d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala en créant des choses pour imiter là, ou de faire des choses comme, qui ressemblent à ce que Allah a créé. Que ce soit une image d'être humain, une image d'animal, et de lui faire par exemple une tête, un visage, des yeux, un nez, deux lèvres, hein, une bouche, hein, des oreilles, des mains, des pieds, des jambes, ainsi de suite. Puis après tu mets de la couleur, hein, si c'est un dessin, ou si c'est une forme. Donc, et s'il y avait une forme, comme une statue par exemple, eh ben il forme la statue, puis il lui donne des bras, il lui donne des membres, il lui donne des parties, et ainsi de suite, qui ressemblent à ce que Allah a créé. Et il y a dans le fait de faire ça, une sorte de, disons, d'essayer d'être un partenaire, de compétitionner avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Hein? Et ça, bien entendu, c'est pas permis puisque c'est quelque chose qui est particulier à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul et unique qui crée comme ça et qui forme les choses, et on n'a pas le droit de l'imiter dans ces choses-là. Et vous voyez, les peintres, les sculpteurs, les créateurs, les gens qui font ces choses-là, eh bien, ce sont des gens qui ont souvent cette arrogance-là et cette fierté, hein, essayer de créer des choses, comme essayer de les faire telles quelles que Allah les a créées. Hein, et imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est grave. Et le cheikh, il mentionne deux versets encore. Am ja'alu lillahi shuraka, est-ce qu'ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires qui créent comme Allah crée, et de sorte que la création ressemble, de sorte que leur création se ressemble pour eux, yani ils sont de sorte que la création d'Allah ressemble à la création de ce que ces gens-là créent. dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur de toutes choses, et c'est lui l'unique, et celui qui a le pouvoir sur toutes choses, et qui est contraignant. Allez, le contraignant, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de tout, et qui a le pouvoir sur toutes choses. Et aussi, il dit dans l'autre verset, « Oh, vous les hommes, écoutez, on vous donne un exemple, une parabole, alors écoutez-la. » Hein, oh vous les hommes, on vous donne un exemple, alors écoutez-la, une parabole. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ils ne peuvent même pas créer une mouche hein, ou un moustique, même s'ils se réunissaient pour le faire. Donc ça c'est l'exemple de l'incapacité de ces créatures-là, ils ne sont pas capables d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, vous voyez des hommes par exemple qui font des statues, ils font des images, ils font des dessins de toutes sortes de créatures, mais ils ne peuvent pas les faire vivre. Personne ne peut les faire vivre exactement, ils ne peuvent pas leur donner une âme. Ah, ça c'est autre chose, ça c'est autre chose, mais par exemple, il y a certaines formes de, on va peut-être en parler dans un autre contexte, parce que sinon ça risque de sortir du sujet, mais on en parlera par la suite, Inch'Allah. Toutefois, le cheikh il donne un exemple, il dit, par exemple, quelqu'un est capable de faire un dessin. Pas de doute qu'on est capable de faire un dessin ou d'imiter quelque chose qu'on remarque, qu'on voit dans la créature, on essaie de le reproduire. Comme on voit une personne, on veut faire son dessin ou de faire sa statue ou des trucs de ce genre, on est capable de le faire. Toutefois, est-ce qu'on est capable de le faire vivre? Qu'est-ce qu'on a dessiné, qu'est-ce qu'on a sculpté, qu'est-ce qu'on a formé? Non, on n'est pas capable, d'accord? Et donc, on n'est pas capable de le faire bouger, on n'est pas capable de le faire de faire en sorte qu'il bouge tout seul, ou qu'il réfléchit, ou qu'il mange, ou qu'il boit, ou qu'il agit comme les créatures, ou bien par exemple qu'il se reproduit. Ça, c'est impossible. Ça, on va y venir. Inch'Allah, dans les hadiths qu'on va mentionner tout à l'heure. D'accord? Le cheikh, il dit, donc c'est ça. Et le cheikh, il mentionne un autre verset qui dit, هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. Voici la création d'Allah, alors montrez-moi ce que vous invoquez en dehors de lui ont créé. Bien entendu, ils n'ont rien créé. Montrez-moi ce qu'ils ont créé. Ceux que vous adorez en dehors de lui, ils n'ont rien créé. Hein. Et donc le cheikh dit, « فَقَوْلُوا فَلْيَخْلُقُوا الظَّرَّةُ أو الظُّرَّةُ وَهَذَا أَمْرٌ تَعْجِيزٌ أَمْرُ تَعْجِيزٌ وَتَحَدٍ وَهُوَ تَحَدٍ قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à ces gens-là comme une sorte de défi, hein, une sorte de challenge. Hein? Ils vont dire, ok, essayez de créer une graine ou un grain de par exemple, une graine d'avoine ou de blé ou d'une création quelconque parmi les graines qu'on sème dans la terre. Ils sont pas capables de la créer. Peut-être ils peuvent essayer de faire quelque chose qui ressemble à une graine, mais est-ce qu'elle sera capable s'ils la mettent dans la terre si on la met dans la terre puis on met de l'eau, est-ce que cette graine elle va être capable de pousser? Non, ils ne seront pas capables de faire ça, d'accord? Donc le cheikh il dit ensuite que ça c'est un défi qui a été lancé aux mouchriquins et qui reste jusqu'au jugement dernier. C'est-à-dire, ils sont encore mis au défi d'essayer de le faire. Jusqu'au jugement dernier. Ou, li yakhluqu habba. Ay, habbatun min al-nabat. Habbatun, yani, habbatu burrin, ou dakhanin, ou dukhnin, ou ghayri dhalika min al-hubub. Ou li yakhluqu sha'ira. Habbatu sha'ir. Wahum yastati'un an ya'malu surata habba, wa surata sha'ira, wa surata dhurra. ولكن لا يستطيعون أن يجعلوا فيها الخواص التي يجعلها الله في هذا المخلوق وإنما عمله أن يستطيع أن يجعل مجرد شكل ورسم أو تمثال فقط Donc le cheikh il dit qu'il essaie de créer une graine parmi les graines des céréales qu'on utilise, ou bien que ce soit par exemple de l'orge ou du blé ou de l'avoine ou autre. Ils seront capables de faire la forme de la graine et de représenter la graine, mais ils ne pourront jamais la faire comme elle est exactement, dans le sens qu'elle aura les particularités de cette graine qui peut pousser lorsqu'on la met dans la terre, puis qui peut former une plante ou un arbre ou des légumes ou des fruits, et ainsi de suite. Hein? Donc ça c'est très important de comprendre ce point-là. Et ils peuvent juste faire la forme et l'apparence, c'est tout. قال الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى فالله وحده يجعل حبة فيها خصائص الحبة من الحياة والنمو والطعم لأن الحبة فيها حياة ولذلك إذا بذرت نبت إذا بذرت نبتت تسمى حياة تسمى حياة حياة النمو أما حياة الحيوان فإنها تسمى حياة حركة فالحياة على قسمين حياة حركة وهذه في ذوات الأرواح وحياة نمو وهي في الحبوب والبذور التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأنبات الأشياء. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait fendre la graine, hein, c'est lui qui l'a fait fendre et qui l'a fait pousser, ainsi de suite, et le noyau, ainsi de suite. Donc c'est pour dire que quand vous voyez une graine, on dirait qu'elle est morte, hein. Vous voyez une graine de blé, une graine de n'importe quel fruit ou légume, vous la voyez toute petite comme ça là, elle est sèche. Vous pouvez la laisser dans une enveloppe ou dans quelque chose pendant des années et des années. Wa alaykum salam, Allah. Hein? Vous pouvez la laisser comme ça pendant des années et des années et des années. Et puis, elle va rester sec comme ça, elle va pas bouger. Vous la mettez dans la terre, même après un nombre d'années incroyable, vous mettez de l'eau, un peu d'eau et tout. Et puis, elle commence à pousser. Elle était morte. Et puis là, elle commence à pousser. Donc le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui est capable de créer cette graine avec cette particularité-là, qui a la vie et qui a la croissance dedans et le fait de la capacité de se nourrir dedans. Pourquoi? Parce que dans cette graine, il y a la vie. Et c'est pour ça que lorsqu'elle est plantée, elle commence à pousser. Okay? Et donc on appelle ça une vie de croissance. Hein, le cheikh il dit c'est une vie de croissance, tandis qu'il y a la vie de mouvement, c'est la vie des animaux, des êtres humains, puis il y a la vie de croissance, c'est-à-dire que c'est une autre catégorie qu'on appelle une vie de croissance, c'est-à-dire elle ne peut pas bouger la plante, hein, mais elle peut croître. Elle peut croître, elle est prise dans la terre. Elle est prise dans la terre. Et le cheikh il dit donc que il y a la vie des êtres humains et des animaux, qui est la vie des âmes, des créatures qui ont des âmes, et il y a la vie des plantes et des graines que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pousser. Donc ça c'est une autre catégorie. Il dit « وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْإِنسَانِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ الْفَنَّانِ صَرَفَ جُهْدَهُ لِأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ صَرَفَ جُهْدَهُ لِاخْتِرَاعِ صِنَاعَةٍ تَنْفَعَ فينفع نفسه وينفع الناس بها لكان هذا عملا جيدا ومع النية لأن الإنسان يكون عبادة ومع النية والإيمان يكون عبادة ويؤجر عليها أما أن يصرف جهده ووقته وتعلمه في إيجاد هذه الصور ونحت هذه الصور فهذا عبث فارغ وعمل محرم وهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس عذابا يوم القيامة فبئس ما اختار لنفسه من هذا الفن الممقوت أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله. Donc le cheikh explique ici que si les gens qui s'appellent des artistes, aujourd'hui on les appelle des artistes, les peintres, les sculpteurs, les photographes, hein, les cinéastes, les gens qui font des photos, qui basent toutes leurs trucs sur les images et les photos, si ces gens-là se concentraient leurs efforts sur le fait de faire des choses qui sont bénéfiques et utiles pour les gens, ça, ce serait mieux. Hein? Qu'est-ce qu'on appelle l'art utile? Hein? Tu fais des arts de l'artisanat, par exemple. Hein? Tu construis des choses, tu les décores, tu les fais beaux. Hein? Puis ça, il y a un profit dedans, il y a quelque chose de bien pour les gens dedans. Hein? Comme tu décores les maisons, hein? Comme le frère Hakim, hein? il fait des décorations dans les murs et tout. Masha'Allah, hein? Naam, Masha'Allah. Donc ça c'est un exemple d'art, hein? Ça c'est un genre d'art et d'un artiste, quelqu'un qui fait quelque chose d'utile. Tandis que, ou bien il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font dans les pays musulmans? C'est des artisans, ils vont fabriquer par exemple, j'en ai vu, des genres de théières ou de trucs là, et ils font plein de petites décorations dessus, des dessins et tout, des belles formes et des beaux dessins et tout, des mosaïques et tout ça, ça c'est des choses, c'est utile, parce que ça sert à embellir les choses et à donner aux choses une belle apparence, donc ça c'est des choses utiles. Mais de faire de l'art dans le sens que tu vas dessiner des êtres humains, des hommes, des statues, des animaux et tout ça, ça sert à rien. Qu'est-ce que les gens vont faire avec ça, hein? Ouais, ça c'est autre chose ça. Qu'est-ce que tu veux dire là, par exemple? Mais dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Si par exemple tu vas faire, comme tu dis là, il y a des fois en médecine, ils vont faire des dessins de certaines parties du corps ou un squelette ou des trucs comme ça. Ça c'est pas la même chose, puisque de toute façon, t'es pas obligé de dessiner tout le corps au complet. Tu peux dessiner seulement certaines parties du corps que t'as besoin de montrer. Par exemple, un bras ou une jambe ou un corps. T'es pas obligé de dessiner les yeux, la bouche, le nez, ou bien de dessiner la tête, ou des choses de ce genre. Sinon, tu peux le faire séparément. Et c'est le but. Le but, c'est pas de faire de l'art ou des trucs comme ça. Mais le but, c'est plutôt, d'apprendre les différentes parties du corps humain, puis des choses de ce genre. Dans ce cas-là, ça, c'est autre chose. Hein. Et je me souviens même quand on était en Arabie Saoudite, on apprenait l'arabe au début. Dans les livres même, il y avait des dessins d'animaux pour apprendre le nom de différents animaux, mais on coupait la tête de ces animaux-là. C'était juste pour donner un exemple de cet animal pour savoir comment le nommer, c'est tout. Hein? Donc ça c'est des à propos de ce hadith. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre hadith. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فاستعنوا الحديث كي رابورتي aussi par البخاري ومسلم qui dit que c'est rapporté selon عائشة رضي الله عنها. Elle dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit les gens qui auront le plus dur châtiment au jour de la résurrection sont ceux qui imitent la création d'Allah سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique maintenant ce hadith, il dit فقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة في الحديث الأول ومن أظلم وفي هذا أشد الناس عذابا يوم القيامة فيدل على أن التصوير حرام ومغلظ التحريم وأنه كبيرة من الكبائر فهذا الذي يعتبرونه فنا ويتعلمونه ويتفاخرون به وهو أعظم الذنوب فهو أشد الناس عذابا يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, et Al-Bukhari et Muslim ont rapporté également que bon, on a dit le hadith ceux qui auront le plus dur châtiment, et dans le premier hadith qu'on a mentionné c'est écrit qui est plus injuste, donc dans celui-ci c'est la personne qui aura le plus dur châtiment au jour de la résurrection. Et ça prouve une chose, c'est que de faire des images et des représentations, c'est haram, et que ça fait partie des grands péchés parmi les kaba'ir. D'accord? Et le cheikh, il dit que, les ulama, ils considéraient ça comme un grand péché parmi les grands péchés, et il dit que, il y en a parmi les gens qui font des images et qui font ces représentations-là, eux, ils pensent que ça, c'est de l'art. Ils appellent ça de l'art, hein. Et le cheikh, il dit, ben, cet art-là qu'ils font, qu'ils considèrent comme étant de l'art, et puis ils se sentent fiers de ça, ils s'en vantent, hein, ils se sentent fiers de ça, et puis c'est prestigieux pour eux. Quand quelqu'un dit, je suis peintre, je suis sculpteur, ou des trucs comme ça, les gens disent, oh, waouh, ça c'est quelque chose, hein, important, c'est quelque chose de grand, hein, photographe, il fait des photos d'êtres humains, ils font des statues d'êtres humains, ou des images d'êtres humains, ils disent, ah, ben, ça c'est quelqu'un d'important. Et les peintres, ils étaient surtout chez les kuffars, ils sont toujours bien vus et toujours respectés, et souvent ils vivaient, certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux vivaient dans le luxe et la richesse, parce que ils faisaient les portraits des personnalités, des gens importants, puis ils recevaient beaucoup d'argent en retour pour ça. Toutefois, il y en a d'autres qui ont vécu dans la pauvreté, puis il y en a qui n'étaient pas connus, mais après leur mort, ils sont devenus très très connus, puis leurs tableaux parfois se vendent des millions de dollars. Mais c'est pour dire que tout ça, c'est des gens qui sont maudits, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, hein. Et c'est comme je disais, je l'ai déjà dit une fois au frère, mais quand j'étais en France, je me disais, subhanallah, tout ce que les koufars prennent comme fierté ou comme prestige là de qu'est-ce qu'ils ont, ben, en grande partie, c'est des choses haram, yani. Hein, les peintures, les sculptures, le vin, hein, les bons vins, la musique, les trucs de ce genre. Si tu le regardes dans l'aspect islamique, tout ça c'est haram, hein. Donc, ça c'est des exemples. Après dit, وَالَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ يضاهئون يعني يحاولون أن يوجدوا صورة تشبه خلق الله سبحانه وتعالى. فالمضاهة معناها المشابهة، كما قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني يشابهون من سبقهم من الكفار. Le cheikh il dit la parole dans ce hadith là, apporté selon Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin, dans le hadith on voit yudahi'una, les gens qui auront le plus dur châtiment, c'est ceux qui font ça. Le verbe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, c'est yudahi'una. Et qu'est-ce que ça veut dire yudahi'una? Pardon, yudahi'una, oui c'est ça, yudahi'una. Hi'una. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ressembler. Hein? D'essayer de faire de créer quelque chose, ou d'inventer quelque chose qui ressemble à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la signification du verset dans, Surat al-Ma'idah, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple, et les Juifs ont dit que Uzair est le fils d'Allah, et les chrétiens ont dit que le Messie, Jésus, c'est le fils d'Allah. Et après Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà leur parole dans leur bouche. Ils essaient d'imiter la parole de ceux qui ont mécru avant eux. Et le terme qui est utilisé, qu'ils essaient d'imiter la parole de ceux qui ont mécru avant eux, c'est yudahi'una, encore une fois. C'est-à-dire, ils essaient de ressembler ou d'imiter la parole des koufars qui ont mécru avant eux. Avant les juifs et avant les chrétiens. Donc, après, le cheikh, il continue à expliquer, il dit, fahada fihi, بيان علة التحريم علة التحريم التصوير وأن فيه مضاهة لخلق الله وإساءة أدب مع الله عز وجل. Donc dans ce hadith il y a l'explication ou d'une des raisons pourquoi de faire des images a été interdit dans l'islam, c'est-à-dire pour interdire de faire d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a un autre hadith qui est rapporté dans ce chapitre, c'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. » Ça, c'est un hadith vraiment sérieux, hein. Quand on entend ce hadith-là, on a peur, en fait, parce que c'est tellement dangereux, c'est tellement grave d'entendre ça. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, chaque personne qui fait des dessins, ou qui fait une image ou une sculpture, il sera dans le feu. Kullu musawwirin fi an-nar, il sera dans le feu, dans l'enfer. Après, et on va lui donner chaque statue ou chaque image ou chaque représentation ou dessin ou peinture qu'il a fait d'une créature qu'il a essayé de dessiner dans cette vie, Allah va lui donner une âme à cette image et ces images-là vont le châtier dans l'enfer. Hein? A'udhu billah. Donc c'est pour dire que il va se faire châtier parce qu'il a dessiné ou parce qu'il a sculpté ou parce qu'il a formé parmi les créatures, que ce soit un animal ou un être humain. Et le cheikh il dit ensuite, قال ولهما, donc le hadith en question il dit, وعاد الحديث أيضا فيه وعيد شديد. فقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور هذا يشمل جميع أنواع التصوير سواء كان نحتا وتمثالا وهو ما يسمونه مجسما أو كان رسما على ورق أو على لوحات أو على الجدران أو كان التقاطا بالآلة الفوتوغرافية التي حدثت أخيرا لأن هذا فعل ذلك لأن من فعل ذلك يسمى مصورا وفعله يسمى تصويرا فما الذي يخرج التصوير الفوتوغرافي كما يزعم بعضهم فما دام أن عمله يسمى تصويرا فما الذي يخرجه من هذا الوعيد وكذلك قوله بكل صورة صورها عام أيضا لكل صورة أيا كانت رسما أو نحتا أو التقاطا بالآلة غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسم وإلا فالنتيجة واحدة وكل من هؤلاء قصده إيجاد صورة فالذي ينحت أو يبني التمثال قصده إيجاد صورة والذي يرسم قصده إيجاد صورة والذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد صورة لماذا نفرق بينهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مطور في النار وما هو الدليل المخصص إلا فلسفة يأتون بها وأقوالا يخترعونها يريدون أن يخصصوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم برأيهم والمحظور الذي في الصور الفوتوغرافية والتمثالية أو المرسومة هو محذور واحد وهو أنها وسيلة إلى الشرك وأنه مضاهة لخلق الله تعالى كل منهم مصور والنتيجة واحدة والمقصود واحد أما الذي يخصص صاحب الآلة عن غيره وإن لم يكن صاحب الآلة أشد لأن صاحب الآلة يأتي بالصورة أحسن من الذي يرسم فهو يحمضها ويلونها ويتعب في إخراجها حتى تظهر أحسن من التي ترسم فالمعنى واحد ولا داعي لهذا التكلف أو هذا التمحل التمحل في التفريق بين الصور. Ça c'est un point très intéressant que le cheikh il mentionne ici, que le cheikh il explique qu'il y a donc dans ce hadith une menace très sévère du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que tous les gens qui font des souwar, kullu musawwir, enfin qui font des images, des représentations, ils vont être dans l'enfer et qu'ils vont être châtiés par ce qu'ils ont dessiné et par ce qu'ils ont créé. Donc le cheikh il explique ça, il dit kullu musawwir, ça implique toute personne qui fait une représentation ou une image, peu importe de quelle image il s'agit, que ce soit une gravure, que ce soit une statue, que ce soit les dessins, comme les images peintes ou les images qui sont en trois dimensions comme les statues, ou bien que ce soit un dessin sur une feuille, ou bien que ce soit un dessin sur un tableau, hein, ou bien sur un, comme on dit, l'auche, c'est-à-dire une table, un tableau, ou sur un mur. Des fois, tu rentres dans des restaurants arabes, par exemple, et puis ils veulent montrer l'exotisme du décor arabe ou du décor des pays musulmans ou des pays arabes, et ils dessinent des chameaux sur le mur, ils dessinent des dessins de chameaux, des dessins d'êtres humains et tout, et ça c'est haram, hein, mais les gens, bon, non mais moi je parle d'un endroit en particulier où j'étais parti, et puis il y avait un dessin de chameaux et tout, puis il y avait des dessins même d'êtres humains, puis c'était avec les yeux puis tout ça. Ah, juste un, comme juste un ombre. Non, ça c'est pas pareil, parce qu'on peut pas distinguer vraiment un être vivant, parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour vivre, mais toutefois, il y en a des dessins qui sont vraiment faits d'une façon que tu peux vraiment voir, que c'est des êtres humains, que c'est des êtres vivants. Donc, que ce soit fait sur un mur ou que ce soit fait par une photo, une caméra de photographie, le chef il dit tout ça c'est pareil, hein, même si c'est des caméras numériques ou caméras avec la photo lumineuse, hein, la lumière, peu importe, tout ça c'est des caméras, tu fais des photos avec, le chef il dit tout ça c'est pareil. Regardez ce qu'il dit, le chef. Il dit les photos, les appareils photographiques qui sont apparus dernièrement là. Le cheikh, il dit tout ça, c'est des choses qui s'appellent en arabe taswir, hein, et on appelle ça sourah, on s'en voit, hein. Et donc, ça rentre dans le verdict de la photo. Parce que, qu'est-ce qui sort de l'appareil photographique? Hein? Certains prétendent que ça sort, que le verdict au sujet de la photo qui est pris avec une caméra, ça sort du verdict des statues ou des images ou des choses qui sont dessinées. Mais le chef, il dit, c'est quoi la preuve pour faire sortir le produit de ce qui est fait avec une caméra du verdict de qu'est-ce qu'on appelle en arabe taswir. Il dit, il n'y a pas de preuve pour le faire sortir de ce verdict-là. Et il explique pourquoi. Il dit, parce que, étant donné que son action qu'il fait, ça s'appelle déjà de faire taswir, de faire une photo, de faire une image, alors, qu'est-ce qui le fait sortir de la menace de ce hadith? De même qu'on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il aura pour chaque image qu'il a fait, Allah va donner une arme à cette image et il sera châtié par cette image dans l'enfer. Ça c'est général pour toutes les images et pour toutes les représentations. Non, même les amateurs. Hein? Et le cheikh il dit, peu importe qu'est-ce que c'est cette catégorie de dessin ou de représentation là, que ce soit yani, que ce soit par exemple rasm, c'est un dessin avec la main, ou une gravure, ou avec une caméra, il dit le cheikh, وغاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسم. Il dit, la seule différence que tu peux trouver, c'est que celui qui fait le dessin avec la caméra, il est plus rapide que celui qui le fait avec la main, qui fait le dessin avec sa main pour dessiner. La seule différence, c'est la rapidité ou la vitesse. Et sinon, le but, le résultat, c'est le même. C'est une image à la fin, c'est une image. Hein. Lui, il fait une image. Tu donnes à deux personnes, tu dis à deux personnes, par exemple, deux personnes sont en train de faire, ils disent, on veut faire une image de quelque chose. À lui, tu donnes un crayon, un stylo, pour faire un dessin, et à l'autre, tu donnes une caméra. Le résultat, ça va être quoi? Ça va être une image, les deux, peu importe. Donc, le résultat, c'est le même. Et chacun d'entre eux, il a la même intention. Son intention, c'est quoi? De faire une image. Celui qui grave, c'est son intention de faire une image. Celui qui fait une statue, il a une intention de faire une image. Donc, ils ont tous l'intention de faire une image. Tu vois, le chef, il mentionne ça, justement. Non, ben, il ne mentionne pas exactement les détails, mais il mentionne quelque chose qui se rapporte à ça, en fait. Il dit, par exemple, La personne qui a fait une image, son intention c'était le même, peu importe quelle forme d'image il fait. Après il dit, celui qui fait l'image avec la caméra, son intention c'est de faire une image aussi. Donc, pourquoi vous avez fait une distinction entre l'image faite avec la caméra, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il dit, toute personne qui fait une image ou une représentation, il est dans l'enfer. Tout kullu musawwir. Donc, c'est quoi votre preuve que vous avez pour extraire ou limiter le verdict et exclure la caméra, la photo faite avec caméra? C'est quoi votre preuve pour exclure le verdict de la photo par rapport à la caméra, excepté la philosophie, les philosophies que vous amenez, des gens d'arguments philosophiques ou des arguments que vous amenez pour essayer de d'inventer des trucs pour dire que vous pouvez limiter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon vos désirs et vos passions. Ça, c'est pas correct. Pour dire que les photographies faites avec une caméra ne s'appliquent pas, n'entrent pas dans le verdict en question au sujet des photos, il faut ramener une preuve pour l'exclure. D'accord? Et pour l'exclure. يريدون أن يخصصوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم برأيهم. Ils veulent essayer de limiter le verdict de la qui vient de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم par rapport à leur opinion personnelle. Voilà. Ça c'est exclu parce que selon mon opinion, ça c'est pas pareil. Ça c'est pas une façon d'agir envers la religion, par rapport à la religion. On peut pas exclure des choses et faire entrer des choses selon nous. Opinions personnelles. Il faut avoir des références et des preuves de la charia pour faire ça. Le cheikh il dit, et la chose qu'on craint, et la chose qui est mauvaise dans la photo qui est faite avec les mains et qui, ou la gravure ou la sculpture, c'est la même chose qu'on craint de la chose qu'on craint de la photographie, c'est la même chose qu'on craint de la statue ou de la représentation ou de la gravure. On craint le même problème. C'est-à-dire, le shirk, que c'est un moyen qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk. Et que c'est une imitation de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ce sont tous des images et des représentations, et donc le but, c'est le même. C'est le même. Et le shirk, il dit, c'est quoi donc la preuve pour essayer d'exclure ce genre de personnes qui utilisent cet instrument-là? Hein? C'est quoi la preuve pour exclure celui qui utilise ce genre d'instrument? Hein? Il n'y en a pas de preuve pour exclure cette chose-là. Donc le cheikh il dit, peut-être même que celui qui utilise ce genre d'instrument-là est plus grave encore dans la menace et dans le châtiment que celui qui utilise un pinceau ou un stylo ou une plume ou qui fait une gravure. Pourquoi? Parce que le résultat est encore plus clair et plus proche de la réalité que le dessin fait avec la main. Si tu prends quelqu'un qui fait une photo avec une caméra, l'image est encore plus proche de la réalité. Comme le frère disait tout à l'heure, maintenant avec les moyens modernes, on est capable même de modifier certaines choses dans l'image, hein, pour la changer, son apparence et tout, pour l'embellir ou pour enlever, corriger les défauts et tout. Hein. Donc ça c'est grave, Yanni. Et avec les logiciels justement de correction de photos et tout, tu peux faire paraître quelqu'un qui est gros, tu peux le faire devenir maigre. Ou bien tu peux faire paraître quelqu'un qui est maigre, tu peux le faire devenir gros. Et toutes sortes de trucs de ce genre. Donc, ça c'est une forme de dessin également. Maintenant, c'est devenu des dessins. La plupart des photos qui paraissent dans les magazines maintenant, là, sont toutes modifiées, retouchées. Donc, il faut faire attention à ça. Ça rentre dans le dessin maintenant. Parce que c'est encore pire encore. Donc, c'est pour ça. On rajoute de la couleur, on rajoute des choses, hein. Donc, le cheikh, il dit, elle sort à la fin meilleure que le dessin. Donc c'est encore plus grave et plus dangereux que le dessin. Si un soufi, par exemple, qui vénère son cheikh et qui le prend comme un intermédiaire entre lui et Allah, s'il le fait en se basant sur une photo qui est dessinée avec la main, tandis que l'autre soufi, il a sa photo avec une caméra. Lequel des deux qui est plus grave? À laquelle des deux le soufi va s'accrocher plus? Bien entendu, à l'image qui est faite avec une caméra. Hein? Et donc c'est ça qu'on remarque. Vous voyez, les gens qui amènent les photos de leur chef, ils ont toujours des photos. Il y en a qui ont des photos, par exemple, qui sont en noir et blanc, anciennes. Bien entendu qu'il y en a d'autres qui ont des photos qui sont plus récentes, en couleur et tout. Ils préfèrent toujours la photo qui est en couleur que la photo qui est en noir et blanc. Donc ça, c'est des exemples. Bon, ok. Pour les questions de caméra, moi j'ai entendu le Cheikh Fawzan justement qui donnait ce cours-là dans l'audio. Et le Cheikh, il a dit, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception pour les caméras vidéo ou les caméras... Oui, c'est ça. Il y a des frères qui ont enregistré. Il est dans son site même, ce dars-là de Kitab Tawhid. Et j'ai écouté l'audio et quelqu'un lui a posé la question pour les caméras vidéo. Il a dit, tout ça rentre là-dedans. Donc, il faut s'écarter de toutes ces choses-là, sans exception. Le Cheikh n'a pas voulu rentrer dans les détails, mais il a dit, ça c'est général. Hein. Et après ça, donc, le Cheikh, il dit que, pourquoi on essaie de faire des distinctions et d'essayer de se compliquer les choses en essayant de distinguer entre les choses. Le Cheikh dit, ومعلوم أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخصص إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله لا باجتهادات البشر وتخرصات البشر وفلسفات البشر هذا مردود على صاحبه وهذا معروف من أصول الحديث وأصول التفسير أن العام لا يخصص إلا بدليل ولا يخصص العام باجتهادات الناس باجتهادات من الناس يقولونها فهذه قاعدة مسلمة مجمع عليها فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون إن التصوير بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل في الممنوع إلى آخره كل هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين والقواعد الأصولية تأبى هذا كله وهم يعرفون هذا ولكن سبحان الله الهوى والمغالطة أحيانا يذهبان بصاحبهما مذهبا بعيدا الشيخ الذكر on sait très bien que là dans le usul al-fiqh il y a un principe qui dit hein, et on le sait très bien que la parole d'Allah et que la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas permis de les limiter ou de les restreindre, excepté avec une preuve qui sort du Coran ou de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'a pas le droit de limiter ou de restreindre le verdict de la charia dans le Coran et dans la sunna, excepté par la révélation elle-même. Et on n'a pas le droit d'essayer de la limiter par la parole d'Allah et de son messager par des analogies ou par la logique ou par des philosophies ou par des déductions humaines. Toutes ces choses-là, c'est rejeté. Et donc ça fait partie des fondements d'un hadith et des fondements d'un tafsir. Qu'est-ce qui est général, il ne peut pas être limité ou restreint, excepté avec une preuve de la charia. Et on n'a pas le droit de restreindre qu'est-ce qui est général, excepté par la preuve et non pas par les efforts intellectuels d'un individu ou d'une personne et qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il prétend. Et ça, c'est une règle qui est acceptée parmi les ulama. Tous les ulama acceptent ce principe-là, et c'est un principe reconnu parmi les principes de usul, parmi les fondements de usul al-fiqh. Et on n'a pas le droit de rejeter ce fondement-là, ou ce principe-là, pour ce que les gens prétendent. Ok? Et le Cheikh, il dit, donc comment ces gens-là peuvent rejeter cette règle-là, alors qu'elle est très connue, et ils viennent et ils disent que les images et les photos qui sont faites avec des appareils photographiques, ça ne rentre pas dans l'interdiction. Hein? Et le reste de toutes les fausses paroles qu'ils disent qui n'ont aucune valeur. Hein? Parce que ces paroles-là n'ont aucune valeur selon les savants de l'islam et les savants de l'usul. Et selon les principes des fondements de la religion. Tout ça, c'est rejeté, ce qu'ils prétendent comme argument. Et ils le savent, mais ils font semblant, ou bien parfois ils suivent leur passion, hein. Et on sait que la passion, ça peut égarer quelqu'un très loin, hein. Donc ça c'est très grave. C'est très grave, cette attitude-là. Et vous avez l'attitude de ces gens-là maintenant, qui sont en train même de dire qu'il faut réformer l'islam. Et ils disaient, auparavant, ils disaient, il faut réformer l'islam. Maintenant, ils commencent à dire, avant ils disaient, il faut un nouveau fiqh. Hein, avant ils disaient, il faut un nouveau fiqh pour les gens qui vivent en Occident. Maintenant, c'est pire encore. Ils disent qu'il faut un nouveau usul al-fiqh pour les gens qui vivent en Occident. Et qu'il faut changer les fondements de l'islam maintenant. Donc c'est encore plus grave. Hein. C'est ça ce qu'ils appellent. Dernièrement, Tariq Ramadan, quand il est venu à Montréal, il a fait sa conférence, il est venu vendre son livre, et puis j'ai lu un résumé de ce qui était discuté dans cette conférence-là, et d'après ce qui était expliqué dans le résumé, il veut qu'on change maintenant sur le cercle. Ah oui, c'est ça, the destruction of the Islamic spirit, oui, la destruction de l'esprit islamique, ou de l'esprit de l'islam. Donc il est là-bas, là, il est en train de dire ses bêtises. Ouais, il est avec lui. Ouais, en anglais. Ouais. Oh, il parle anglais aussi. Ouais. C'est une réunion des Moubtadi'a et des Soufis, hein, qui se réunissent ensemble pour dire des bêtises. Et pour faire de la musique et des chants, mélanger les gars et les filles ensemble. Hein, ils font un gros party. Il y a plein de SBIN à Montréal qui vont là-bas aussi. Bien sûr, ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit. Hein, il y a les signatures d'autographes après les spectacles aussi. Tu peux aller voir tes vedettes islamiques préférées. Ouais, ouais. Les groupes de rap islamiques qui vont là-bas. Ouais. Les comédiens islamiques aussi. Et il y a même une actrice qui a commencé à porter le voile, une actrice égyptienne qui était une de leurs conférencières cette année-là. Elle était une invitée d'honneur. Hein. Parce qu'elle s'est voilée, tout d'un coup elle devient savante de l'islam. Et puis elle porte un petit hijab fashion, hein, pour inciter la mode hijabi, comme ils appellent hijabi fashion. Alhamdulillah. Donc c'est juste pour dire que c'est triste que des musulmans refusent de suivre les règles de l'islam au nom de l'islam. Et combattent les règles de l'islam au nom de l'islam. Et ils s'imaginent que de simplement d'avoir des bonnes intentions, puis de vouloir du bien, c'est suffisant pour vouloir faire revivre l'esprit de l'islam. Non, c'est pas suffisant. Si on fait pas revivre les fondements de l'islam, le tawhid et les principes de la foi et de la sunna, il y a pas de revivification de l'islam possible. Donc الشيخ الزي ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يأتي فلان ويقول لا المصور بالفوتوغرافي ليس في النار. Le prophète صلى الله عليه وسلم il dit toute personne qui fait des images, des représentations, il est dans l'enfer. Puis il y en a un autre qui arrive, il dit non, celui qui fait des photos avec une caméra, il n'est pas dans l'enfer lui. Donc, qui es-tu, toi, pour remettre en question les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les interpréter à ta façon? C'est quoi ta preuve que tu as pour dire que les photographies avec la caméra, c'est pas interdit? C'est quoi la différence entre cette photo-là et les autres images? C'est quoi la différence? Hein? Et donc, c'est pour ça. Il y en a même qui se basaient sur la fatwa d'Ibn Uthaymin, parce qu'Ibn Uthaymin avait fait cette distinction-là. Et il a été répondu et réfuté à ce sujet-là justement, par Cheikh Ibn Baz et par d'autres ulama aussi, avec des arguments. Hein? Et parmi les arguments de la révélation, il y a les arguments rationnels également, hein, pour leur montrer qu'il n'y a pas de distinction. Le jour où vous allez montrer qu'il y a une distinction, là peut-être on pourra dire oui, il y en a une, mais là il n'y en a pas de distinction. Le miroir. Ouais, mais le miroir c'est pas pareil puisque c'est une réflexion. Tandis que là c'est pas pareil, c'est clair que tu prends une photo puis tu la regardes et tout. Puis comme on a dit même, Ouais, l'eau aussi, tu regardes dans l'eau, tu vois ta réflexion, ça c'est un reflet, c'est pas, sinon, de toute façon, même si quelqu'un dit, le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a pas dit, t'as pas le droit de te regarder ton reflet ou ta réflexion, même le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, il nous a même enseigné un dua, lorsqu'on se regarde dans le miroir, quoi dire, hein, Allahumma, ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi, ou kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, comme tu m'as embelli ma création, embelli mon comportement. Hein? Donc, ça c'est déjà une preuve qu'il n'y a pas d'interdiction pour le miroir. Hein? Tandis que, bon, même s'il disait que c'était une photo, on a la preuve dans ça que c'est permis. Il y a une preuve, un dalil dans la charia qui nous dit qu'on a le droit de se regarder dans le miroir, puis on a le droit de faire de la réflexion, ça ne rentre pas dans les photos et les images. Hein? Donc, où est-ce qu'elle est leur preuve à eux pour exclure les représentations faites par caméra. Exactement. Oui, ça aussi, c'est barakallahu fik. Comme le frère Mohamed dit, il y avait une discussion entre Cheikh Al-Albani et une autre personne au sujet de cette question des miroirs, puis la personne avait dit, ça c'est comme une photo, et c'est comme taswir, yani. Et le Cheikh Al-Albani a dit, est-ce que la personne qui se regarde dans le miroir, on l'appelle Moussawir? Est-ce qu'on dit que c'est quelqu'un qui fait une image ou une représentation? Hein? Non, on l'appelle pas un peintre, on l'appelle pas un dessinateur, on l'appelle pas un photographe. Hein? C'est pas quelqu'un qui fait une représentation ou un taswir. Donc ça rentre pas du tout dans le hadith là, donc c'est pas du tout comparable. Hein? Il y a les ahbash qui ont une fatwa bizarre à ce sujet là aussi. Eux, ils disent que c'est, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois que les ahbash, ils permettent même de regarder, des photos de femmes, hein, des trucs comme ça, si c'est une photo, parce qu'ils disent que c'est comme une réflexion dans le miroir, t'as le droit de regarder. Ils disent, t'as le droit de regarder parce que c'est pas la chose réelle, c'est une réflexion. Je me rappelle plus de qui m'avait dit ça, et, peut-être, je sais pas si c'est vrai, peut-être que, Allahu a'lam, mais sinon il y en a qui répétaient cette histoire-là, que certains d'entre eux ils ont cette façon de comprendre. Et on sait comment ils sont lous dans beaucoup d'aspects de... Bon, et dans les autres images sur les magazines et les trucs comme ça. Ça aussi il faut les... Ben, étant donné que c'est pas nous qui les avons faits, donc ça c'est dans ce cas-là c'est pas... on n'est pas concernés, puisque ce sont des images qui ont été faites par d'autres, mais... de les faire rentrer dans la maison, dans ce cas-là il faut éviter, parce qu'on sait que les anges ne rentrent pas dans la maison quand il y a des images, donc essayez de se débarrasser de ces images. Pardon, de les mettre aux poubelles? Ouais, c'est ça, les mettre aux poubelles. Tu lis qu'est-ce que tu as à l'air puis tu les jettes. Ouais, c'est ouais, ah ok. ouais, je comprends, voilà, okay. Le frère il dit qu'il les met dans les toilettes. Non. non, je comprends ce que tu veux dire. Alors, pour les ranger, pendant que tu les lis pas, tu les ranges là-bas. Et les anges ils rentrent pas aux toilettes. Oui, c'est ça. C'est la maison des shayatins. Wallahu a'lam, peut-être c'est une solution. Ouais. Ouais, mais ça dépend de quelle toilette. Aussi, parce que ici, des fois il y a des toilettes ici, c'est propre, mais dans certains endroits où tu vas, dans certaines places, c'est très sale, mais bon. Ça aussi, c'est pas permis. Mais entre qu'est-ce qui est pas permis et qu'est-ce qui est appliqué, c'est deux choses. Soit, mais nous, on parle du verdict de la charia. On parle pas de qu'est-ce qui se passe réel, dans la réalité. On peut l'écouter à la radio, on peut lire le journal aussi, mais ouais, mais toi tu lis les informations puis après tu te débarrasses de la photo. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Oui, c'est ça. Toi tu lis les infos puis quand t'as fini de lire, tu jettes le papier, tu le détruis, puis tu le jettes dans les poubelles ou quoi, ou bien tu t'en débarrasses. Bon, tu le mets en recyclage, ouais. Ouais, même dans un pays musulman. Mais c'est ça. C'est ça. Dans un pays musulman, ils doivent soit ils transmettent les nouvelles à la radio, ou à la télé, ou bien à la radio, mais ils font pas de photos. c'est ça. Ouais, sans mettre leur face à l'écran. Ouais, c'est des radios satellites. Mais en fait, c'est des radios. Sauf qu'ils peuvent mettre des paysages en même temps, au lieu de mettre des personnes, je sais pas quoi. Allahu alam. Des fois, les détails de ça, c'est bien entendu les ulama qui doivent clarifier ça. Hein, si, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est pas permis dans des questions de télé. Mais sinon, il n'y a pas de doute que ça peut être bénéfique. Mais nous, on veut pas rentrer dans tous les détails. On veut juste comprendre les principes de base, les choses les plus importantes. Bien sûr que c'est bon à savoir. Non, ça c'est vrai. Mais c'est juste pour expliquer que nous, on veut comprendre les règles de base. S'il y a des questions plus spécifiques ou plus détaillées, ça on peut questionner des ulama. Ou si on a déjà entendu une question pareille posée à des ulama, là on peut la mentionner. Mais le but, quand vous lisez un livre ou quand le cheikh explique un livre, lui son but c'est pas nécessairement de répondre à toutes les questions qui sont reliées à un sujet, mais d'expliquer les choses, qu'est-ce qui est le plus important à propos de ce sujet-là. Maintenant, s'il y a des questions plus détaillées ou des questions personnelles ou individuelles qui sont reliées à ça, ça c'est autre chose. Ces questions-là, ça se règle sur le plan individuel, ça veut dire que toi tu vas contacter le savant, tu vas lui poser les questions au sujet de ton problème à toi, et lui il va t'expliquer à toi en particulier ce qui se rapporte à ce sujet-là. Mais il ne peut pas expliquer dans un livre toutes les choses qui sont reliées à ce sujet-là, parce que sinon le livre il finirait plus, hein, et même le cours il finirait plus. Okay. Hein? Non, mais c'est ça, c'est bénéfique ça, parce que les gens de nos jours ils ne savent pas le hukum, ils ne savent pas le verdict. Il y a des gens, ils vont même pas lire la fatwa, ils vont pas, eux, ils vont même pas se poser la question par rapport à l'islam, ils vont juste dire, oh ben écoute là, tout le monde le fait, donc on le fait. Ils vont pas se poser la question, est-ce que c'est permis dans l'islam, est-ce que c'est permis dans la charia, est-ce qu'il y a des preuves qui sont mentionnées, ou il y a des choses mentionnées là-dessus dans l'islam, ils vont pas se poser la question. Parce qu'ils ont pris l'habitude de vivre selon le rythme de la société, comment les gens vivent. Qu'est-ce que tout le monde fait? Ils le font, ils se posent pas la question, est-ce que l'islam le permet ou non. Et c'est ça, beaucoup de gens qui vivent maintenant dans l'égarement, c'est parce qu'ils vivent selon le rythme de la société. Et tout ce que le monde fait, ils le font. Si tout le monde le fait, ça veut dire que c'est correct. Et malheureusement, c'est pas le cas. Hein. Donc, juste un dernier petit paragraphe, ah, on a déjà passé le temps. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continuera ça. Demain, بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك